Et avec Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le Liban va-t-il à nouveau basculer dans la violence? Malgré la décision des Syriens d'évacuer leurs troupes, malgré la volonté affirmée des Libanais d'en finir avec les poisons du passé, les ferments de division demeurent entre les différentes communautés confessionnelles. Et les derniers attentats sont venus le rappeler, même s'ils ont été vraisemblablement commis à l'initiative de l'envahissant voisin syrien. La semaine passée, M. X nous a raconté la genèse de la guerre civile qui a commencé à ensanglanter le Liban à partir de 1975. En dépit d'une prospérité économique trompeuse car elle masquait de profondes inégalités, tout était en place pour que les Libanais se déchirent. Un système politique obsolète, basé sur l'existence des communautés religieuses, instituées par la France lors du mandat qu'elle a exercé sur le pays jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un système devenu injuste car tenant compte d'un recensement effectué en 1932 et jamais révisé depuis. Alors que la population musulmane était devenue plus nombreuse que la population maronite, les clans chrétiens disposaient toujours de pouvoirs exorbitants. Et puis, il y avait la question palestinienne. Tous ces réfugiés qui avaient afflué au Liban et qui en étaient venus à former un État dans l'État, Beyrouth étant désormais de fait leur capitale. Une présence exécrée par la plupart des chrétiens. Enfin, il y avait les voisins, la Syrie d'abord. Le président Hafez al-Assad, considérant que le Liban faisait traditionnellement partie de la Grande Syrie, était décidé à intervenir par tous les moyens dans les affaires libanaises, ce que vont lui permettre les chrétiens qui, mis en difficulté par les milices progressistes, l'appellent au secours en 1976. L'armée syrienne entre donc au Liban. Elle n'en sortira plus. Israël, ensuite. La concentration des forces palestiniennes au Liban ne peut pas laisser l'État hébreu indifférent. Tel Aviv multiplie les actions de commando et les incursions au Liban Sud et soutient secrètement les chrétiens qui sont pourtant officiellement alliés aux Syriens. Fin 1976, la guerre de 2 ans se termine à l'initiative des pays arabes qui imposent l'envoi au Liban de la FAD, la force arabe de dissuasion, formée surtout d'éléments syriens. Une accalmie trompeuse dans un pays ruiné par la guerre civile, car tous les acteurs du conflit n'ont pas baissé les armes. Rendez-vous avec X. C'est vrai que ça ressemble à la paix, mais une paix armée. Au Liban Sud, par exemple, de nombreux incidents opposent la résistance palestinienne à Tsahal. Parce que les Palestiniens, il faut le rappeler, ont obtenu des autorités libanaises de pouvoir directement combattre Israël à partir du territoire libanais. Et cette atteinte à la souveraineté libanaise est vivement dénoncée par les leaders chrétiens. Oui, parce qu'elle peut fournir aux Israéliens un prétexte pour intervenir directement au Liban. Naturellement, et quand le moment se présentera, Tel Aviv n'hésitera pas. Enfin, n'allons pas trop vite. Évidemment. Le début de l'année 1977 est marqué par un événement considérable. L'assassinat du chef druze Kamal Jumblat. Jumblat, leader incontesté du camp progressiste et qui prônait la construction d'un Liban pluraliste et déconfessionnalisé. Jumblat, qui s'opposait à l'hégémonie syrienne. Mmh. Et qui gênait donc. Bah, incontestablement. Donc, il est éliminé. Qui alors derrière... Il ne fait aucun doute que ce sont les Syriens qui sont derrière cet assassinat. La preuve, c'est qu'il a été abattu à quelques centaines de mètres d'un barrage de la force arabe de dissuasion. Ouais, une force arabe, la FAD, où les militaires syriens étaient les plus nombreux. C'est exact, mais bien sûr, les tueurs n'ont jamais été identifiés. Quoi qu'il en soit, c'est une perte très grave pour le Liban, car ce chef charismatique aurait pu jouer un rôle fondamental dans une éventuelle réconciliation entre les différentes factions. L'assassinat de Jumblat est suivi, comme bien souvent, par des représailles. Et alors que ses partisans sont persuadés que les Syriens sont responsables de son élimination, ils s'en prennent aux villages chrétiens établis dans leur fief, la montagne du Chouf. Les chrétiens qui, vous le notez, sont encore en principe alliés aux Syriens. Vous avez raison de dire encore, parce que ça ne va guère durer. En tout cas, ces représailles provoquent la mort de plusieurs dizaines de chrétiens. Et le fils de Jumblat, Walid, doit user de sa toute nouvelle autorité pour mettre fin au massacre. Autre élément très important au cours de cette année 77, l'émergence d'un chef dans le camp maronite. Tu voulais bien, Béchir Gemayel. Oui, le fils de Pierre Gemayel, créateur des phalanges. Béchir, jeune homme fougueux et entreprenant, partisan d'un Liban chrétien et pro-occidental, est bien décidé à regrouper autour de lui les forces maronites au sein d'un front national libanais. Et il montre le bout du nez en organisant une grève contre la présence de la FAD à Achrafieh, au cœur du Beyrouth chrétien. Oui, la FAD, vous le rappelez, c'est la force arabe de dissuasion. Oui. Et donc c'est le commencement de la rupture avec la Syrie. Hein. Et bientôt, on va assister à un nouveau et spectaculaire retournement d'alliance. Enfin, résumons. Au début de la guerre de 2 ans, les Syriens ont d'abord été proches des forces progressistes et palestiniennes. Mais quand les chrétiens poussés dans leur retranchement font appel à la Syrie, Hafez al-Assad s'empresse de voler à leur secours. Oui, parce que ça lui permet d'intervenir directement dans les affaires libanaises. C'est ça. Donc, premier retournement d'alliance. Et maintenant, parce que le camp chrétien supporte de plus en plus mal l'occupation syrienne, Damas tourne Kazakh et se rapproche des Palestiniens et des progressistes musulmans regroupés dans le mouvement national. Au-delà de l'hostilité croissante des chrétiens envers la Syrie, pourquoi ce retournement, encore ce retournement? À cause de la situation au Proche-Orient. 1977, vous ne l'avez pas oublié, c'est aussi l'année où le président égyptien Sadat prend l'initiative de venir à Jérusalem. La fin de l'état de guerre entre l'Égypte et Israël. Hein. Et le début des négociations de paix, oui. Un événement considérable qui provoque les plus vives protestations des pays arabes. Assad, qui aspire à prendre la tête de ce front du refus, ne peut pas ne pas renouer avec l'OLP d'Arafat. Car il faut bien le reconnaître, la question palestinienne est bien la grande absente de la réconciliation égypto-israélienne. Le premier ministre d'Israël, Begin, ne veut pas entendre parler de la création d'un État palestinien. L'initiative de Sadat a donc des conséquences directes sur la situation libanaise. Oui, d'autant qu'Israël, rasséréné par cette paix séparée avec l'Égypte, va s'intéresser de plus en plus au Liban. Oui, à cause de la présence palestinienne au Liban. Bien sûr. Et en mars 1978, Israël lance une opération d'envergure après une campagne de bombardement. 25 000 soldats de Tsahal pénètrent au sud Liban. L'objectif est d'occuper une bande de terre de 10 km afin de sécuriser la frontière israélienne. Et d'empêcher les tirs de Fedaïn sur les villages, les kibboutz du nord d'Israël. Oui, mais c'est aussi un message adressé aux chrétiens libanais. C'est-à-dire Avec le soutien inconditionnel des Israéliens, un général chrétien, Haddad, crée une armée du Liban Sud. Oui, d'accord, mais ce message-là... Eh bien, c'est un encouragement adressé aux Maronites. Pourquoi, dans le réduit que vous contrôlez, ne formez-vous pas une armée semblable? Mais il existe déjà une armée libanaise. Du lambeau d'armée, vous voulez dire. Il y a longtemps qu'elle s'est divisée entre musulmans et chrétiens. Enfin, je poursuis, si vous voulez bien. Cette offensive massive pousse des milliers de réfugiés vers Beyrouth, surtout les Palestiniens. Et elle suscite le courroux de la communauté internationale qui la condamne. Résultat, l'ONU envoie une force d'interposition au sud-Liban. Ah oui, la FINUL. Une force internationale que les Israéliens ne se priveront pas de bousculer lorsqu'ils en auront envie ou besoin. On en reparlera tout à l'heure. Alors, vous avez parlé de messages israéliens adressés aux chrétiens. Des chrétiens qu'ils vont aider de plus en plus. Bientôt, on verra même des miliciens phalangistes venir s'entraîner en Israël. Donc, ce message, comme je l'ai appelé. Pour constituer une force puissante, il faut d'abord que les chrétiens soient d'accord entre eux. Or, les rivalités entre les seigneurs de la guerre demeurent. Ainsi, l'ancien président de la République, Soleiman Frangieh, entend, lui, demeurer fidèle à l'alliance syrienne et quitte le Front National. Pour quelle raison alors? Il est uni par des liens familiaux avec le président syrien, Hafez al-Assad. En outre, il n'entend pas subir la tutelle des autres clans chrétiens, ceux des Gemayel et des Chamoun. Surtout à un moment où Béchir Gemayel monte en puissance et ambitionne de devenir le chef du camp chrétien. Par conséquent, il fait retraite dans son fief du Nord, un territoire qu'il contrôle parfaitement. Mais cette position de rupture va coûter très cher au clan Frangieh. Très cher, que voulez-vous dire là? Un jour de juin 1978, un commando puissamment armé pénètre dans le palais du fils de Soleiman, Tony. Et toutes les personnes présentes, femmes, enfants, miliciens, sont sauvagement abattues. Un massacre. Oui, même si le mot a été malheureusement trop souvent galvaudé au Liban. Au total, il y a plus d'une trentaine de morts. Et les représailles vont suivre. Forcément. Tout de suite après, une quarantaine de sympathisants des phalangistes sont tués dans les villages du Nord. Et le chef du clan, Soleiman, promet qu'il éliminera tous les responsables de la tuerie au cours de laquelle les siens ont péri. C'est-à-dire les Gemayel. Ouais, tous les Gemayel. C'est la vendetta, là. Bon. Avant quand même, est-ce qu'on est certain que les Gemayel ont commandité ce massacre? Absolument. C'est Béchir en personne, sans en référer à son père, qui a pris la décision et envoyé chez Tony Frangier l'un de ses hommes de main, Samir Jajin, un phalangiste membre des forces libanaises qui prendra aussi une part active aux tueries de Sabra et Shatila et assassinera un autre chef chrétien, Danny Chamoun. Joli personnage, hein. Et qui finira. C'est un des rares cas où la justice libanaise s'est montrée efficace par être condamnée à la prison à vie lorsque la paix sera revenue. En attendant, et malgré le cycle de représailles entamé par les frangiers, Béchir Gemayel doit consolider son pouvoir sur les forces libanaises. Et pour ce faire, il va prouver qu'il est prêt à affronter les forces syriennes de la force arabe de dissuasion, les armes à la main, espérant sans doute que cette provocation obligera Damas à réagir. Dans quel but alors ? Oh ben sans doute attend-il secrètement qu'Israël vienne au secours des chrétiens. Et la population chrétienne va le payer chèrement, car les Syriens effectuent des bombardements massifs en pays chrétien. Mais c'est à ce prix que le jeune Gemayel construit son image de chef de guerre. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Jonathan Randall, un journaliste américain auteur d'un remarquable ouvrage, La guerre de Milan, dresse le portrait suivant de Béchir Gemayel. Benjamin des 6 enfants Gemayel, Béchir reçut une éducation typique de la bourgeoisie maronite chez les jésuites. D'un physique plutôt rebutant, souffrant d'acné à 20 ans largement passé, il compensait par son application ce qui lui manquait en don naturel. Une de ses anciennes condisciples m'a confié qu'il travaillait très dur avec une diligence qu'il sut mettre à profit quelques années plus tard. Et malgré sa propension à la violence, il avait des côtés charmants, une sorte de gentillesse de jeune chiot, un empressement à écouter autrui que l'on trouve souvent chez les jeunes gens sans expérience et peu sûrs d'eux, et un certain ébahissement devant le monde. Et puis, c'était quand même le fils de chaque pierre, ce qui lui fut utile de bien des façons. Sous l'égide d'un vétéran phalangiste, Jean Nader, il allait faire ses premières armes à Ashrafieh, la branche la plus prestigieuse du parti à Beyrouth. Nader me confia un jour qu'au début, son protégé s'était montré assez difficile. Ce n'était pas un élève docile, m'expliqua-t-il. Il croyait pouvoir tout régler avec ses poings. Mais le temps aidant, il en est venu à comprendre qu'en politique, il ne suffit pas de se battre pour arriver à quelque chose. Il se battait avec la police, les gendarmes, dans la rue, avec n'importe qui. Et moi, je le sortais des guépiers où il s'était fourré. Il était très impulsif. Il prenait des décisions immédiates, avait tendance à croire ses miliciens sur parole, sans rien vérifier. Mais ensuite, il a appris à accepter les critiques et je peux vous certifier qu'il n'a jamais tué personne de ses propres mains. Béchir, c'est certain, apparaît de plus en plus comme le chef militaire et politique du camp chrétien. Mais ça n'empêche pas les maronites de continuer à s'affronter. Oui, toujours la vendetta des frangiers. Oui, oui. En 1979, le jour anniversaire de la mort de Tony Frangier, le vieux Pierre Gemayel échappe de justesse à un attentat. Une voiture piégée bourrée d'explosifs saute au moment où son propre véhicule passe à sa hauteur. 2 de ses gardes du corps sont tués. Mais le vieux chef de clan n'est que blessé. Dites-moi, ça ressemble beaucoup à l'attentat où Rafik Hariri a trouvé la mort récemment. En effet. Quelques mois plus tard, c'est Béchir qui est visé. Et le procédé elle-même. Une voiture piégée. Et l'explosion est télécommandée. Sa fille, Maya, 2 de ses gardes du corps, son chauffeur et plusieurs membres de son escorte sont tués. Et Béchir lui-même ? Ben, il se trouvait pas dans le véhicule. Les assassins ont raté leur coup. Ouais, ils ont quand même provoqué un sacré carnage. Hein. Et à partir de ce moment, Béchir et les autres membres de la famille vont redoubler de précautions en changeant, par exemple, sans cesse de voiture. C'est en effet plus prudent. Mais les frangiers, pouvant plus difficilement atteindre les Gemayel, s'en sont pris avec l'aide des Syriens et à leurs partisans. En l'espace de 2 mois, quelques 350 phalangistes sont tombés, soit, on calculait les Libanais, 10 hommes pour chacune des victimes de la tuerie du palais de Tony Frangier. Ouais, une vengeance impitoyable. Et qui ne s'achèvera qu'avec la mort de Béchir lui-même. Mais on verra cela dans un instant, si vous voulez bien. Mm-hmm. Donc, malgré ces massacres, Béchir continue à asseoir son autorité sur le camp maronite. Et pas seulement pour des raisons strictement politiques. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, une milice, ça coûte cher. Bah, oui, très cher. L'entretien, l'armement... Or, la milice de Béchir compte au moins 2000 hommes, très bien équipés, qui disposent même d'armes lourdes. Donc, il faut trouver des ressources. C'est ça. C'est là où je voulais en venir. À cette époque, les milices, toutes les milices, chrétiennes ou musulmanes, vivent en taxant les activités du pays et en contrôlant ce qu'on appelle des ports privés. Des ports gérés directement par les miliciens qui perçoivent donc des droits de douane sur les importations et les exportations. Les milices se substituent donc à l'État libanais. Ouais, mais l'État existe si peu. J'ajoute, vous devez vous en douter, que ces ports privés permettent aussi de se livrer impunément à toutes sortes de trafics. Le trafic de drogue, par exemple. Cette drogue cultivée dans la prospère plaine de la Bekaa. Il faut aussi noter que l'armée syrienne n'en use pas autrement. Donc, pour revenir à ce que je disais, ces activités clandestines sont donc vitales pour les milices. Et Béchir Gemayel est bien décidé à rafler la plus grosse part du gâteau. Ouais, donc à éliminer les concurrents. Deux, au moins. Les Arméniens, d'abord. Et ensuite les Tigres, la milice d'un autre seigneur de la guerre, Kamil Chamoun, le chef du Parti National Libanais. Et un jour, de juillet 1980, les phalangistes sont passés à l'action et ont attaqué les casernements et les bureaux des Tigres et les installations portuaires qu'ils contrôlaient. Encore une fois, les hommes de Béchir, dont certains semblaient drogués, ont fait preuve de la plus grande sauvagerie. Au cours de la bataille, qui a duré une journée et une partie de la nuit, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Et des passants ou des dockers qui n'y étaient pour rien ont été eux aussi abattus. Mmh. Mais comment, moi, c'est ce que je me demande là, comment la communauté chrétienne pouvait-elle supporter de tels massacres? Ce nouveau bain de sang a effectivement choqué la population maronite. Mais Béchir, très habilement, a prétendu qu'il n'avait fait que châtier une milice qui se livrait au trafic de drogue. Et l'affaire a été entendue. Ouais. Bref, Béchir se serait conduit en justicier, quoi. Enfin, c'est ce qu'il a prétendu. Et pour bien montrer l'aspect moralisateur de son action, il a fermé les 5 ports des Tigres pour les rouvrir à son profit 3 semaines plus tard. En tout cas, après ce sanglant assaut, Chamoun a préféré faire profil bas. Seul son fils Dani, qui sera plus tard assassiné par ce Jaja dont je vous ai parlé, a proclamé, avant de choisir l'exil, que Gemayel n'était qu'un fasciste. Quoi qu'il en soit, la population chrétienne, un instant horrifiée par cette violence, n'en a guère voulu à Béchir. Ben quand même, pourquoi? Ben parce que le jeune Gemayel faisait régner l'ordre dans leur petite société. Quel ordre? Je suis d'accord avec vous, mais la plupart des Maronites aspiraient à la paix. Et puis ils avaient incontestablement besoin d'un héros, d'un personnage susceptible d'incarner leur communauté. Et Béchir était le premier dirigeant chrétien qui correspondait à cette image. En outre, il y avait sa jeunesse. Béchir était donc le chef, mais aussi le protecteur qui les entretenait dans l'idée qu'ils devaient se débarrasser de la part arabe qu'ils avaient en eux. C'est très important. Et pourquoi là? Parce que ça plaisait à l'Ouest. Ce jeune chef chrétien qui se dressait contre les Arabes et résistait. Aux États-Unis, où il existait un lobby libanais très actif, mais aussi en France et en Israël, on en a fait rapidement un héros du monde libre. Donc en passant sous silence les violences de sa milice. Oui, oui, déjà dès 1980, on voyait en lui le futur président de la République. D'ailleurs, Béchir ne dissimulait nullement ses ambitions. Mmh. Mais sur le terrain, alors? À part Beyrouth, où des incidents sporadiques se produisent entre les deux camps, il existe deux points chauds. Au Liban Sud, d'abord, où la tension n'est jamais retombée. Malgré la présence de la FINUL, oui, les forces de l'ONU. Oui, oui, les Israéliens mènent plusieurs raids aériens très meurtriers sur les positions palestiniennes. Et l'OLP riposte en bombardant le nord d'Israël. La situation est d'autant plus tendue que le commandant Haddad a proclamé l'indépendance du petit territoire qu'il contrôle sous l'aile protectrice de Tzahal. Mmh. Et l'autre foyer de tension, alors? Zalé, une ville chrétienne au débouché de la plaine de la Bekaa. Les troupes syriennes veulent s'en rendre maître. Bombardements, opérations héliportées, la guerre y fait rage et donne même lieu à une confrontation aérienne directe entre Israéliens et Syriens. En même temps, on observe une intense activité diplomatique. Américains et Français essaient de s'entremettre, car ils craignent qu'Israël ne passe à l'action. La Syrie a en effet installé des batteries de missiles dans la plaine de la Bekaa. À Tel Aviv, on estime que cela représente une menace directe pour Israël. Il est donc d'autant plus urgent d'essayer de calmer les uns et les autres. Ah, parce que l'escalade est réelle. À la mi-81, l'aviation israélienne lance plusieurs violentes attaques aériennes sur le territoire libanais. Sont visés des camps palestiniens. Même Beyrouth Ouest est touché. En représailles, l'OLP bombarde les localités israéliennes de Galilée. Et pourtant, les efforts diplomatiques portent enfin leurs fruits. L'envoyé spécial du président Reagan, Philippe Habib, obtient un cessez-le-feu en juillet 1980. Mais un vrai cessez-le-feu? Un cessez-le-feu précaire, comme tous ceux qui sont intervenus au Liban. Le mois suivant, c'est le ministre français des Affaires étrangères qui arrive au Liban. Il rencontre les dirigeants libanais, mais aussi Arafat. Claude Cheysson, je crois. Oui. Et c'est la première fois qu'un ministre français rencontre officiellement le chef de l'OLP. Oui, mais une semaine plus tard, notre ambassadeur, Louis de Lamar, est assassiné. Par qui? Sur l'identité des commanditaires, on a l'embarras du choix. Les Syriens n'avaient certes nulle envie que les Français viennent mettre leur grain de sel au Liban, leur chasse gardée. Mais on pouvait aussi penser aux Iraniens, qui nous reprochaient de vendre des armes à l'Irak et de donner asile à leurs opposants. Et enfin, la rencontre Cheysson-Arafat n'avait guère été appréciée par les autorités israéliennes. Enfin, seule certitude, les tueurs ont bénéficié de complicité syrienne. Arafat lui-même en a donné la preuve au gouvernement français. Bah ça, au moins, ça exonère Israël. Hein. Fallait savoir. Au Mossad, il y avait des spécialistes des coups tordus. Bon, passons, car je n'ai pas de preuves. Le début de l'année 1982 marque un tournant dans le dossier libanais. Et pourquoi, non? Les Israéliens sont de plus en plus décidés à intervenir au Liban pour en chasser l'OLP. Mais ils ont besoin d'un allié sur place. Il y a le camp chrétien. Oui, et dès le mois de janvier, le premier ministre israélien, Menachem Begin, et le ministre de la Défense, Ariel Sharon, rencontrent Béchir Gemayel. Sharon et Begin étaient-ils sur la même ligne? En clair, Sharon va-t-il outrepasser les ordres de son premier ministre lors de l'opération paix en Galilée, c'est-à-dire l'invasion du Liban par Tsahal? Jean-Michel Stäbler, auteur du site internet Med Intelligence, donne l'analyse suivante. Ce qui est certain, c'est qu'Ariel Sharon envisage très sérieusement une opération d'envergure au Liban, même si les services secrets israéliens, qui ont noyauté les forces maronites et se sont infiltrés dans la mouvance palestinienne, y compris dans le proche entourage de Yasser Arafat, n'y sont guère favorables. De là à affirmer que Sharon ait délibérément trompé le Premier ministre et le cabinet, il y a un pas. Certes, les responsables politiques, depuis l'affaire de Zirak, il s'agit du bombardement de la centrale nucléaire irakienne, sont très divisés quant à ces actions préventives, mais on voit mal Ariel Sharon réussir à cacher son projet au gouvernement dans son ensemble, alors qu'une telle opération exige des préparatifs politiques, diplomatiques et militaires qui ne peuvent passer inaperçus. D'abord, à partir de l'armistice du 24 juillet 1981, Tsahal lancera coup de boutoir sur les forces palestiniennes au Liban. Celles-ci, averties d'une opération israélienne sans en connaître l'ampleur, se limitant à riposter par quelques tirs de Katyusha sur le nord de la Galilée. Jérusalem justifiera ce harcèlement en présentant les Palestiniens comme des terroristes et non comme des résistants, cherchant à recouvrer leur patrie. Il fallait ensuite se ménager les bonnes grâces de l'allié américain et on voit mal comment Begin, ou alors il ne lisait pas les rapports du Mossad ou plus simplement la presse, aurait pu ignorer la bienveillance de William Casey, le directeur de la CIA, ou celle du secrétaire d'État Haig, parfaitement au courant de la position radicale de Sharon. Au cours de cette rencontre là, entre dirigeants israéliens et maronites... Je vous arrête, si vous voulez bien, parce qu'il y en aura d'autres. Ah bon. Hein. Sharon, en personne, se rendra même à Beyrouth pour rencontrer les Gemayel. D'accord. Alors, je reviens à la question, là. Au cours de cette rencontre, quelle est la demande de Tel Aviv? Sharon veut que les forces libanaises jouent un rôle actif. Militairement, vous voulez dire? Oui, ce n'est pas tant que les Israéliens ne sont pas capables de se débrouiller tout seuls, mais ils veulent mouiller les maronites. Et justifier leur invasion en faisant croire qu'ils viennent soutenir les chrétiens. Et alors que leur seul objectif, c'est la destruction de l'infrastructure politique et militaire de l'OLP, oui. Alors, les maronites répondent-ils positivement? Oui, car ils tiennent absolument à ce que les Israéliens viennent faire le ménage au Liban, mais nous le verrons tout à l'heure, ils ne respecteront pas leurs promesses. Ouais. Donc ils ont dupé leurs interlocuteurs? Absolument. Mmh. Alors comment ça commence, là, cette histoire? Les Israéliens ont besoin d'un prétexte. Abou Nidal va le leur fournir très opportunément en blessant grièvement leur ambassadeur à Londres. Mmh. Et vous m'avez dit, il n'y a pas si longtemps, hein, que vous soupçonniez Abou Nidal d'avoir joué un jeu trouble avec Israël. Je ne me renie pas, en tout cas. Dès le lendemain, au début juin 1982, je crois, l'opération paix en Galilée commence. Pourquoi ce nom de code, là? Parce qu'en principe, il s'agit d'assurer la sécurité des localités situées au nord d'Israël et en occupant une bande de 40 km de profondeur au sud du Liban. Mais comme vous le savez, Sharon ne s'en tiendra pas à la réalisation de cet objectif. Et c'est prévu dès le début, je crois vous l'avoir démontré. Concrètement, alors, comment ça se passe? L'opération commence donc par des bombardements très intenses sur des villages du sud. Puis 100 000 soldats envahissent le Liban, bousculant au passage les contingents de la FINUL. Est-ce qu'on leur oppose une résistance? Oui, à Tyr, à Saïda, à Caldé. On se bat farouchement. Mais le rouleau compresseur de Tsahal l'emporte tout. Et une semaine seulement après le début des opérations, les Israéliens commencent le siège de Beyrouth Ouest. Oui, c'est-à-dire le Beyrouth musulman. Hein, là où l'OLP s'est installé. Fortement implanté. Hein. Oui, car les Palestiniens s'attendaient à être attaqués. Ils ont donc creusé des souterrains, édifié des abris et accumulé des stocks de munitions. Mais les bombardements dévastateurs de l'aviation israélienne finissent par avoir raison de leur résistance. Mais seulement après 10 semaines de siège. Et les fédayines quitteront le Liban en bon ordre et en héros. Mmh. Et sous la protection d'une force internationale. Elle est composée de soldats états-uniens, français et italiens. Mmh. Ce qui vaut signe de reconnaissance. Pour les Palestiniens. Ouais. Oui. Ainsi, paradoxalement, l'OLP accroîtra son prestige grâce à Sharon. Sharon qui avait estimé que dès le début de son offensive, les fédayines fuiraient comme des lapins. Oui, ils ont résisté plusieurs semaines. Alors, revenons à ce que vous disiez plus haut là. Béchir Gemayel aurait dupé les Israéliens ? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. D'abord, le camp chrétien est déçu. Pourquoi ? Les Maronites espéraient que lors de leur offensive au Liban, les Israéliens auraient chassé les Syriens. Mais Washington veille. Et Washington qui n'a nulle envie de voir éclater une guerre israélo-syrienne. Un conflit qui pourrait voir s'embraser toute la région. Par conséquent, sur injonction américaine, Tsahal s'arrête au bord de la plaine, de la Beka. Mais Sharon est également déçu. Car les forces libanaises ne se sont pas jointes au combat. Or, le ministre israélien espérait bien que les miliciens de Gemayel feraient le sale boulot, le plus meurtrier, c'est-à-dire qu'ils entreraient dans Beyrouth Ouest pour chasser les Palestiniens. Mais Béchir s'y est refusé. Et il avait une bonne raison pour cela. Et cette bonne raison ? L'élection présidentielle prévue pour la fin du mois d'août. Si Gemayel avait lancé ses troupes contre les Palestiniens, il ne fait nul doute que les voix des députés musulmans lui auraient manqué. Ouais, donc... Face aux Israéliens, il fait la sourde oreille. Exactement. Hein. Ça lui réussit. Certes, les députés sunnites boycottent l'élection, mais ils ne votent pas contre lui. Ouais, donc il est élu président de la République libanaise. Fin août 82, oui. Et il apparaît bientôt aux Libanais, chrétiens ou aux musulmans que Béchir est l'homme qu'il leur faut. Un président qui prêche la réconciliation entre les factions et qui est adepte d'un pouvoir fort, susceptible d'en finir enfin avec les divisions du pays. Ouais, une sorte... d'exploit, car Béchir était quand même le représentant de la droite chrétienne la plus dure. C'est pourtant la vérité. Pendant les 3 petites semaines où il est resté président de la République, Gemayel a été extrêmement populaire. Et on a faim d'oublier qu'il devait son accession à la présidence à l'opération Paix en Galilée. Il va même se payer le luxe, si j'ose dire, de résister aux demandes pressantes d'Israël qui voudrait absolument signer une paix séparée avec le Liban. Il pouvait d'autant plus s'obstiner dans ce refus qu'il savait qu'il était soutenu par les États-Unis. Il faut m'expliquer, là. Washington voulait en finir au plus vite, en commençant par obtenir le retrait des troupes israéliennes du Liban. Or, Begin s'accrochait. Mieux, il avait enfreint les accords passés avec le négociateur américain, Philippe Habib, en faisant progresser ses troupes en direction du camp palestinien de Shatila, sous prétexte de déminer les routes. Mais fondamentalement, la Maison-Blanche pensait que Béchir Gemayel ne pouvait pas signer cette paix séparée. Pas tout de suite, en tout cas. Oui, parce qu'en signant, le Liban se serait mis au banc de la communauté arabe. Bien entendu. Il serait arrivé ce qui s'était passé avec l'Égypte. Or, le Liban, ruiné, avait besoin de l'aide arabe pour la reconstruction. Oui, de l'argent arabe, vous voulez dire. Oui, mais les États-Unis, qui accordaient déjà des aides financières considérables à l'Égypte et à Israël, n'avaient pas du tout envie de mettre une nouvelle fois la main en porte-monnaie. Alors, Gemayel est donc soumis à une sorte de chantage de la part des Israéliens. Hein. Si vous ne signez pas ce traité de paix, nos troupes restent au Liban, exactement. C'est bien ça ? Oui, mais un événement va brutalement changer la donne. À la mi-septembre, Béchir Gemayel meurt au cours d'un attentat qui détruit entièrement le QG des phalangistes. Et là encore, on peut s'interroger sur l'identité des commanditaires, tant ils pouvaient être nombreux. Les Syriens d'abord. Hein? Forcément, les Syriens qui lui reprochaient sa connivence avec Israël. Il y avait ensuite l'OLP, et même les Israéliens, à qui il refusait la signature de ce traité de paix. Enfin, il y avait le clan des Frangiers, qui lui vouait toujours une haine farouche, mais... Il n'était pas exclu non plus qu'un rival de Béchir au sein des forces libanaises ait pu agir. Oui, je vois là. Obeika, par exemple, hein, dont vous m'avez parlé l'an dernier. Hein. Obeika, le principal garde du corps de Gemayel, l'homme chargé de sa sécurité. Et je vous répète, pourquoi il peut être soupçonné ? Le jour de l'attentat, bizarrement, l'unité spéciale chargée de la protection de Gemayel était absente. Et cette unité était placée sous la responsabilité de ce Obeika. Hein. Autre indice. Obeika, qui avait été résolument pro-israélien, va bientôt tourner kazakh et se rapprocher des Syriens. Par conséquent, Enfin, ceci, les Syriens étaient peut-être dans le coup. Et d'autant que l'un des hommes responsables de la préparation matérielle de l'attentat a été retrouvé. Un certain Chartouni, membre du PPS, le Parti Populaire Syrien, une faction chrétienne opposée aux phalangistes. Par conséquent, le coup semble venir de Damas, sans doute avec la complicité d'Obeika. Et cependant, on ne le saura jamais. Obeika, comme vous le savez, a lui-même péri dans un attentat en 2002. Mais la mort de Béchir Gemayel va entraîner de terribles conséquences. Oui, Samra Chatila. Oui, deux jours plus tard, contrairement aux promesses faites au négociateur états-unien Philippe Habib, Sharon, profitant de l'émotion suscitée par la disparition de Béchir, entre dans Beyrouth Ouest. Son objectif, c'est clairement les camps palestiniens de Sabra et Shatila, où prétend-il se cache des terroristes. Mais comme il ne veut pas que les soldats israéliens se salissent les mains, même si certains ne sont peut-être pas aussi innocents qu'ils ont l'air, il lâche dans les camps des miliciens phalangistes, des hommes aveuglés par la haine. À cause de la mort de Gemayel. Et ils vont se venger de façon atroce sur les civils palestiniens qui habitent ces camps. Hommes, femmes, enfants sont massacrés. Et les survivants sont remis aux Israéliens aux fins d'interrogatoire. Ouais. La responsabilité de Sharon est donc écrasante. C'est certain. Car non seulement il a ouvert les camps aux tueurs, mais il n'a rien fait pour empêcher les tueries, alors que les soldats israéliens savaient pertinemment ce qui se passait. Toutefois, le Liban est loin d'en avoir fini avec la violence. Malgré la rapide élection du frère de Béchir, Amin, à la présidence de la République. Toutefois, si vous le voulez, je vous propose de voir la suite dans un prochain entretien et dernier entretien sur le Liban. À samedi prochain, donc, pour ce dernier volet de l'histoire tourmentée du Liban. Je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Je vous rappelle aussi que des livres, des mémoires de Monsieur X sont en vente. Ils sont naturellement coédités par Radio France.